Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. J'aimerais tout d'abord, avant d'entamer les vifs sujets de ces mots, mettre certains points en évidence et parmi lesquels, en fait, le plus important, c'est les raisons qui m'ont poussé à enregistrer ces mots. Tout d'abord, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la paix et la salut soit sur lui, nous a dit dans un hadith authentique, « Dinu nasiha qulna liman » قال لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم وخاصتهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. La traduction de ces authentiques hadiths veut dire, quand on les traduit mot à mot, la religion c'est des conseils. Les compagnons de Mohammed صلى الله عليه وسلم ont demandé conseil à qui? Il a dû conseil à pour Allah et son messager et les chefs ou les princes du musulman et à toute la communauté ou à tout le monde musulman. Et moi, par ces mots, j'aimerais donner vraiment un conseil à tout le monde musulman et plus particulièrement au monde des djihadistes et plus particulièrement aux militants et les soldats de ce qu'on appelle l'État islamique. Et une autre raison, c'est l'histoire de mon frère Abu Salman al-Soudani, qui était avec moi lorsqu'on était tous les deux de soldats de l'État islamique et qui a été avec moi dans la caserne ou de l'État islamique dans le désert. Et c'est lui qui s'est suicidé dans la ville de Darna, à l'est de Libye, en pensant que la population de Darna, ce sont des mécréants, et en croyant que lui, ce qu'il fait, c'est le fait d'être martyr. Or, malheureusement, il s'est suicidé, il a tiré son âme, il a tiré beaucoup de, en fait, certain nombre de musulmans, et le plus grave, c'est qu'il a considéré les musulmans comme étant mécréants. Moi, en tant que connaisseur de cette personne, je sais pertinemment que Abu Salman n'allait pas oser à juger le musulman comme étant mécréant par le fait qu'il veut cela ou par le fait qu'il n'est pas juste, mais plutôt parce que il croit et il a confiance à ce qu'on lui dit dans l'État islamique. Et malheureusement, dans l'État islamique, on lui a rapporté que les citoyens de Darna et que Majlis Shura Mujahid Darna, ce sont des mécréants, ce sont des mortadines, comme ils le disent, et malheureusement, lui, il n'a pas essayé d'authentifier cela, et il a réagi selon cela, et enfin, il s'est suicidé, il a tué des musulmans, et il pense que les musulmans, ce sont des mécréants. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'allait nous a dit, من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما, celui qui dit à son frère, oh, le mécréant, alors l'un d'eux sera mécréant certainement, soit à son frère, soit le disant de ses paroles. Et ces mots, ce sera vraiment mon histoire avec l'État islamique. Et en fait, ces mots se divisent en deux parties. Première partie, c'est mon histoire avec l'État islamique. Et le deuxième, c'est une analyse de cette histoire et une analyse et les relier avec la parole des porte-parole de l'État islamique ou l'organisation de l'État islamique, Al-Adnani, pour enfin mieux comprendre l'identité et la réalité de cette organisation, pour enfin savoir est-ce que réellement ce qu'on pense de l'État islamique, est-ce que c'est la réalité de l'État islamique. Et moi, en tant que simple musulman, je pense que tout un musulman rêve d'avoir un État islamique qui reflète en réalité ce qu'il veut, qui montre vraiment le pouvoir de l'islam sur la terre. Et de ce fait, après l'annonce d'Al Khilafa en juin 2014, je me suis retrouvé avec un rêve qui se réalise soudainement devant mes yeux, et donc j'étais très pressé à rejoindre cet État, à bâtir cet État islamique, à construire avec mes frères de tout le monde cet État islamique qui est l'État dont on rêve nous tous en tant que musulmans. Et vite, j'essayais de de lire dans la littérature de cet État islamique. Et vraiment, j'ai pas manqué l'occasion parce que dans l'Internet, sur le web, vous pouvez trouver plein des articles sur l'État islamique qui sont faits qui sont publiés par l'État islamique elle-même. Et ce sont, en fait, quand on analyse ces articles, on trouve que un État qui nous ramène à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et donc vraiment, c'est un État qui apparaît idéal. Un État qui s'en fout de tout le régime occidental moderne, qui se montre comme un État de l'islam réellement et dont on rêve tous. Et nous savons certains, en fait, en tant que musulmans, que l'État islamique doit jouir de certains, d'un ensemble de spécifications. Dans l'État islamique, on doit avoir la justice. On doit avoir la justice absolue. Parce que tout le monde doit être au même pied d'égalité devant la justice. On doit avoir le respect de l'autre. On doit avoir le respect des musulmans. On doit avoir la sécurité. On doit avoir la tendresse même sur les orphelins. On doit avoir beaucoup, beaucoup de choses qu'on a vécues, que les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont vécu, et que l'état de Khilafa al-Rashida, à l'époque de Abu Bakr al-Siddiq, que le Dieu l'agré, Abu Amr al-Khattab, que le Dieu l'agré, ont vécu. Et donc, moi, en pensant que cet état islamique, et pas seulement moi, partout dans le monde, tous les militants de l'état islamique, ils comparent ce nouveau état avec l'état de Khilafa al-Rashida, dont on a lu sur le bouquin. Vite, j'essaie de rejoindre cet état. Au mois de décembre 2014, je me suis retrouvé à Sirte, l'État en Libye. Et après, en fait, il y a certains détails qui ne seront pas vraiment très utiles dans ce témoignage, mais ce qui est très essentiel, que lorsque je suis venu à l'État à Sirte, j'ai constaté que tous les migrants, les nouveaux migrants, ils sont un peu isolés, ils sont en fait emprisonnés en quelque sorte. Et j'ai compris cela pour dire que, pour des raisons de sécurité, que certainement les Occidents, les ennemis de l'État islamique ne vont pas manquer l'occasion d'essayer d'envoyer des espions. Et donc, on a pu comprendre cela, qu'on soit en réalité emprisonné dans ce qu'on appelle El Madave. C'est un certain bâtiment pour réceptionner les nouveaux migrants. Nous sommes totalement isolés des autres et nous sommes totalement isolés de l'environnement sur lequel on vit. C'est-à-dire que beaucoup des immigrants ne connaissent pas la réalité de la Libye, ni des Libyens, parce qu'il n'est pas permis, on ne lui permet pas de se confondre ou de se mêler avec les autres pour des raisons aussi bien sécuritaires comme ce qu'il paraît. Mais c'est là aussi, vous allez voir par la suite, que c'est à cause de cela que mon frère Abou Salman a pu tuer. Parce que lui ne connaît pas la réalité des choses, il ne connaît pas la population de Darna. Lorsqu'il était venu ici, il était emprisonné dans un madaf, la zone El-Fateh, et donc il n'a jamais descendu en ville, qui est très très rarement. Et ils ne connaissent pas la réalité de la population de Darna, ils ne connaissent pas la réalité des Mezdi Shura Mujahid de Darna, et donc il n'a pas des informations sur cette population, ni sur ces Mejlis, que ce qu'on lui donne par l'État islamique, qui est l'ennemi, bien évidemment, des Mejlis Shura Mujahid de Darna. Donc, dès le début, les migrants, les nouveaux militants, sont isolés de la réalité. Le deuxième point, après quelques jours dans cette Madava, on a rejoint la caserne d'entraînement. Et dans ces casernes, j'ai rencontré beaucoup de frères de plusieurs nationalités. Et en réalité, ce sont vraiment des frères qui te ramènent à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malgré qu'on était de différentes nationalités, mais on sentait vraiment l'amour qui nous réunit. Et on sentait vraiment que nous sommes des frères. Et on sentait vraiment le bonheur extrême, si vous voulez dire. Parce que je voyais très clairement, je voyais des gens, des frères qui sont proches de toi, qui s'occupent de toi, que toute leur journée c'est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala presque. Ils passent leur journée soit en lisant les Corans, ou faire des exercices, des entraînements, ou bien ils passent leur nuit dans les prières de Al-Qiyam. Et donc, j'ai vu vraiment des gens, des soldats que vous pouvez dire qui sont un véritable exemple de l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des Espagnols. Cette merveilleuse réalité de soldats n'était pas malheureusement dans les princes des casernes. En fait, il y a deux catégories dans les soldats de l'État islamique, ou bien les partisans ou les militants de l'État islamique. Il y a les soldats, les nouveaux muhajirins, les nouveaux migrants qui ont venu, et il y a les princes. Chez les princes, on voyait une autre chose, malheureusement, on voyait la jalousie qui se règne, on voyait d'autres choses. Et ici, j'aimerais donner un exemple. Cet exemple, je ne l'avais pas dit en arabe, mais il est très bien de le dire ici, et je vais dire d'autres exemples. Ici, ce sera plus détaillé, parce que j'aimerais bien faire une autre partie, c'est l'analyse de toute cette histoire. Il y avait un vieux migrant, un vieux muhajir qui s'appelle Abu Damdam. Il est d'origine de Tunisie, il est un ancien combattant, un ancien mujahid. Il avait fait le jihad à Bosna al-Herzeg et vraiment c'était un véritable cadre militaire parce qu'il avait plein des idées et il avait une très grande expérience. Et vu que nos princes ce sont des gens ignorants, qui ne sont pas au niveau des militaires, c'est Abu Damdam, au lieu qu'il soit très bien recueilli, il a été expulsé presque. Ils l'ont rendu insensé comme un nouveau soldat. Et finalement, ce Mujahid, il a fini par quitter les casernes et il a été totalement exclu. Abu Damdam, ça, n'était pas une exception. Abu Ayyub al-Ghazawi aussi, il a vécu presque la même chose. Et il a été emprisonné, certes. Abu Zakaria Tounsi aussi, malgré que c'était un grand cadre militaire, et c'était quelqu'un très très cultivé, lui aussi, il a été maltraité, et il a été, en fait, on lui a soupçonné de plusieurs, enfin, on lui a créé plusieurs pièges, pour qu'il soit écarté de l'image. Parce que la présence de ces cadres veut dire que les autres ne vont pas apparaître. Parce que les autres vraiment sont pauvres, n'ont pas de quoi comme spécification. Et c'était vraiment la jalousie. Cette jalousie qui régnait dans les princes de l'État islamique a de très très mauvais effets après qu'on va voir. En tout cas, en tant que soldat, j'étais quelqu'un très aimé par mes frères et moi aussi j'avais porté grand amour à eux. Et pour être fidèle à leur amour, j'enregistre ces mots parce qu'il y avait beaucoup de frères qui venaient du Sénégal, du Mali. Et donc, c'est à eux vraiment que j'enregistre ces mots afin qu'ils, en fait, une sorte de reconnaissance de leur amour et leur fraternité. Après l'entraînement, il y avait des parties. Il y avait 15 jours, et on apprenait dans ces 15 jours plusieurs matières. Il y avait environ 7 ou 6 matières. C'est fiqh al-ibadat, les fiqh, de faire en sorte d'adoration, Sayyid Nabawiyya, la fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Viqh al-Jihad, c'est les Viqh de al-Jihad, Shkash al-Shubuhat, l'Usul al-Thalatha, si je ne me trompe pas, l'Arba'in Nabawiyya aussi. Il y avait certains mots, mais c'était vraiment trop chargé de telle sorte que cette formation religieuse ne pouvait pas nous servir parce que c'était juste 15 jours et chacun des étudiants, en fait, tous les soldats, ils étaient pas au même niveau et, en fait, cette formation, on pouvait pas s'en sortir de grandes choses parce que c'était une très courte période et c'était vraiment trop serré. Après, nous avons passé un entraînement militaire dans lequel nous avons appris certaines choses, sur comment utiliser les armes, faire un entraînement militaire primaire. Vous pouvez dire que c'est pas aussi très, très développé. Et après, on nous a subdivisé. Moi, j'étais avec une quinzaine dans la province de Novelia. On nous a mené à Novelia. À Novelia, j'ai occupé tout d'abord le poste d'un directeur. En fait, un membre de la direction de Novelia. Et j'occupais aussi le poste de le responsable de Al-Hisba. Durant cette période, il y avait en fait 15 jours à 20 jours de liberté. Parce que durant cette période, moi Et Dr Julaybib, et vraiment j'aime cette personne parce qu'il est vrai, il veut vraiment construire cet État islamique. On travaillait nuit et jour et on pensait nuit et jour à comment peut-on développer nos villes. On veut vraiment que nos villes soient un exemple de ville faite par. On veut vraiment que nos villes soient un exemple de toutes les villes de Libye. On voulait vraiment montrer que l'État islamique, le fait que l'État islamique vient dans une ville, c'est la construction, c'est la sécurité, c'est le respect des citoyens, c'est l'application de l'islam dans sa totalité. Et dans ça, on a essayé de, il est très important de dire cela aussi, on a essayé de contacter les différentes sociétés civiles qui existaient, parmi lesquelles El Majlis El Mahali, c'est une sorte d'une préfecture ou une mairie, en quelque sorte, dans nos villes, pour voir les enregistrements sur la population, sur le nombre des enseignants, le nombre des élèves, le nombre de chômeurs, pour avoir l'enregistrement afin de pouvoir mettre une carte de développement de cette petite ville. Après 20 jours, il y a eu la visite de Abou Abdelaziz Al-Ambari. Et à l'époque, en fait, c'était le gouverneur général de Wilaya of Libya, de Libye. Et en fait, j'avais pas la permission de lui parler directement parce que j'ai parlé avec mon amir qui s'appelle Abou Hammam. Et on lui a donné, moi et Dr Julaybib, un ensemble de projets pour développer cet État qui sont vraiment des projets qui ont une base scientifique, qui sont faites sur des études, sur le terrain, et dont la nécessité existe, et dont la population vraiment a besoin. On a donné ça à Abou Hammam et Abou Islam. Abou Islam, c'était les Echaraï, c'est-à-dire c'était les personnes qui s'occupent des affaires religieuses. Et Abou Hammam, c'était le prince de la province de Nouvelle-Lyon. Et dans un rencontre avec Abou Abdelaziz, l'Ambari, et Abou Amr, qui est le responsable religieux de tout le wilaya de Libye, ils ont venu pour nous dire tous ces projets sont niés. Ils sont arrêtés, il faut rien faire. Il faut rester et jusqu'à qu'on vous donne des ordres. Moi, à cet instant, j'ai eu vraiment un choc total. Pas seulement moi, aussi Abou Hammam lui-même, l'amir, Abou Islam, et Julaybib, Dr Julaybib, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide le droit chemin. On était vraiment très choqués de cette réaction, et on ne pouvait pas comprendre à l'instant, mais on s'est dit, peut-être, ils ont une autre vision. En tout cas, on n'a pas eu grosse explication. 3 nuits plus tard, Abou Abdelaziz, vers minuit, il arrive au siège de la direction, et je le rencontre soudainement, et j'avais vraiment la curiosité de savoir pourquoi stopper tous ces projets. Lui, il m'a informé que, en réalité, leur vision, c'est, ils veulent construire, en fait, c'est qu'il m'a informé qu'ils veulent construire des choses, mais c'est pas eux qui construisent, c'est, ils vont pousser les sociétés existantes à faire leur travail. Et donc, ils vont travailler comme en tant que superviseur de ce qui existe. C'est vrai que les différentes personnes travailleurs de ces sociétés trouvent leur salaire de l'État de Libye, mais nous, en tant que travailleurs dans cette ville ou dans cette province qui est sur l'autorité de l'État islamique, doivent mener leurs travaux. Parce que il m'a informé, il m'a dit que en Irak, en 2007, avant 2007, que les jeunes, les fondateurs de l'État islamique, ont tenté plusieurs fois ils ont essayé de travailler et avant la présence de Sahawat. Mais après la présence de Sahawat, ce sont les gens qui étaient aidés par l'État islamique qui sont reconvertis en Sahawat et qu'ils étaient vraiment les premiers ennemis de l'État islamique et qu'ils ont vraiment qui ont failli à détruire l'État islamique de façon terrible, parce que si vous vous rappelez bien, je ne sais pas si vous lirez l'histoire de l'État islamique, en 2007, c'est presque l'État islamique en Irak est fini. Hein. L'État de l'Irak, l'État de l'islam en Irak à l'époque, c'est presque fini. Et donc, de cette expérience, ils veulent toujours montrer la vision de dictature à la population, afin que, en fait, ils ont essayé d'entendre avec la population, de travailler avec la population, mais la population, ce qu'il a donné, c'est le fait de nier tout ça et d'être avec l'ennemi, les Occidentaux contre eux. Donc, ils ont une nouvelle approche à se comporter avec la population, c'est l'approche de la peur. Il faut vraiment que la population ait peur toujours de l'État islamique pour qu'ils ne pensent pas à sortir contre eux prochainement. Moi, à l'époque, malgré que ça m'a pas plu vraiment une telle réponse, mais vu la situation et vu que il faut vraiment qu'on essaye à garder cet État islamique et qu'on élimine toute raison de le détruire et on élimine toute probabilité de créer des ennemis à l'intérieur. Donc, je l'ai accepté et malgré que c'est pas ce que j'ai pensé, vraiment, je pensais que, en fait, malgré que ce n'est pas exactement, ce que l'islam nous demande à kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Nous sommes tous des éleveurs, nous serons tous demandés par rapport à cette responsabilité. Et donc, de ce fait, ça m'a pas plu, mais lui, il a dit à la place, on va forcer les sociétés existantes à faire de très bons travaux. Et c'est ça, ce qui est important. En fait, les citoyens de cette ville va se servir. On va demander à la mairie de bien nettoyer, on va forcer les hôpitaux à bien travailler, on va forcer les enseignants à donner leurs cours, et on va travailler en tant que superviseur. Des jours plus tard, j'ai occupé la poste de... En fait, j'ai commencé à fonder une nouvelle société de l'État islamique, c'est la société de l'I'lam, les médias. Et aussi bien, j'ai eu toujours... un nouveau choc qui a été très clair, c'est parce que lorsque parmi les projets qu'on avait mis, que j'avais voulu faire, c'est faire un point des médias dans lequel j'ai dans la mosquée, juste à la sortie de mosquée, j'ai mis un projecteur et dans ce projecteur je projette à la population les différentes articles médiatiques concernant la construction dans l'État islamique, comment l'État islamique construire des projets, comment vivre dans l'État islamique et relier la population avec d'autres wilayas de l'État islamique. Ma grande surprise, c'est que la deuxième personne, en fait, Abu Mouad al-Araqi, qui s'occupe, ce qui était le ministre de la guerre, ou le responsable de la guerre, c'était la deuxième personne. Il m'a surpris de dire non. Il faut vraiment publier seulement les articles de la guerre, les articles de comment l'État islamique tue leurs ennemis, comment ils les détruisent. Et c'est là. Ça m'a choqué, premièrement, mais c'est toujours en cohérence avec ce que Abu Abdelaziz a dit, le fait qu'il faut vraiment que la population ait toujours peur de l'État islamique, afin de ne pas oser sortir dans un Sahawat. La parole de Boumouad, j'ai resté quelques jours, bof, j'arrive pas à travailler comme je voulais parce que le choc que j'ai eu avec monsieur Dr. Jalibi a eu son effet. Et quelques jours plus tard, il y avait la guerre contre les gens de l'Ouest, ce qu'on appelle ici Al-Masarit. Et c'est exactement, si je me rappelle très bien, le 14 mars. Et nous tous, les soldats de l'État islamique, que ce soit dans la direction, que ce soit dans les médias, que ce soit dans le Hezb, on est tous appelés à porter des armes et à combattre. De ce fait, tous nos projets, tous nos travaux sont arrêtés et on a commencé à combattre Al-Masari. Cette guerre a continué pendant 5 jours. Ou bien une semaine, si je me rappelle très bien. Après cela, El Masarit ont réussi. En fait, l'armée 166 a pu réussir à nous faire sortir de Novlia après une semaine du combat. Et après la sortie du Novlia, on était en fait environ 100 et quelques soldats. Abu Abdelaziz, en fait, et lorsqu'on était à Novlia, il faut signaler que les chefs ou les dirigeants, les princes qui dirigeaient la guerre, c'était Abu al-Barakat. Et c'était un Libyen. Après la sortie de Nouvelle-Lire, c'est Abu Abdelaziz qui a pris, qui est devenu notre prince, et il a libéré 80 soldats. En fait, il a demandé d'aller en Sirte, et il a gardé avec lui 20 ans. Pendant 10 jours, avec ces 20 ans, nous avons réussi à sortir les Massarites de Nouvelle-Lire et de Bunjouad, et de retourner jusqu'à Sirte. C'est pas par l'affrontement direct, mais c'est plutôt par les mines qu'on mettait dans les routes et qu'on explose presque de façon quotidienne. Ce qui a fait qu'ils sont en train de combattre un ennemi invisible parce que une vingtaine dispersée dans le désert ne peut pas les chasser et leur effet c'était très grave pour Al-Masalit à cette époque. Après 10 jours, l'État islamique a retourné à Nouvelle-Lire. Et ici maintenant, c'est avec une nouvelle approche, avec de nouveaux visages qui vont diriger cette nouvelle période pour ne pas les erreurs commises par la fois passée. Et dans ces nouveaux, il y a de nouveaux princes. Moi, j'étais parmi ces nouveaux dirigeants de Nouvelle-Lire et on m'a attaché à la direction générale de la province et avec d'autres missions militaires. Et presque, mon travail touchait tout. J'étais le responsable de l'armement, j'étais le responsable des équipements, j'étais le responsable de la santé des soldats, j'étais le responsable des sièges. J'avais beaucoup de travaux, de telle sorte que j'ai travaillé presque 18 heures sur 24 heures. De façon continue et je pensais que c'est tout à fait normal parce que nous sommes en train de construire et la phase de construction de chaque état est bien sûr c'est la phase la plus dure. Vu de mes travaux, c'est moi qui étais, tous les soldats, ils étaient concernés. En fait, ils rentraient à moi parce qu'ils demandaient leurs choses auprès de moi parce que c'est moi qui est responsable d'armement, de leurs sièges, de leurs équipements, de tout presque. Et donc, le prince Abu Hamam, qui réellement, c'est celui, en fait, prince, mais en pratique, c'était moi qui faisais tout. Et donc, les soldats retournaient à moi quand ils ont besoin de quelque chose. Et ce qui a fait que Abu Hamam a eu une jalousie, c'est-à-dire contre moi. Et donc, c'était un véritable obstacle. Chaque fois quand je voulais faire une chose, c'est lui qui s'oppose. Non, parce qu'il a une autre vision. Malheureusement, son niveau, c'était très bas. Mais c'est plutôt pour dire que lui, il est là et c'est son pouvoir et que je suis en train de prendre son pouvoir. Abu Abdelaziz était de ma part parce qu'il voulait qu'il y ait des travaux. En fait, et donc, comme j'avais l'autorité d'Abu Abdelaziz direct, donc moi, j'essayais de forcer et de continuer à faire et à mener mon travail. Des semaines plus tard, on a eu vraiment un obstacle réel, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus travailler ensemble, moi et Abu Hamam. Et j'avais dit ça là à Abu Abdelaziz lorsqu'on était tous les deux tout seuls. Lui, il m'avait dit qu'il va le remplacer par un autre, qui s'appelle Abu al-Qaqa. Toutes ces informations sont très utiles après, parce que quand on l'analyse après, on va savoir leur impact sur... Ils vont nous montrer beaucoup de choses sur la réalité réelle de l'identité réelle de cet État islamique et vraiment sa réalité. Est-ce qu'elle est réellement État islamique? En tout cas, Abu Abdelaziz, il m'a resserré en disant, voilà, Abu al-Qaqa, c'est un homme excellent. C'est celui qui va remplacer Abu Hamam. Et Abu Hamam vit de son pouvoir parce qu'il est d'origine de Nouvelle-Lire. Il va être le vice du prince au lieu d'être le prince. Et donc, c'est en réalité, n'a aucune valeur qu'en l'absence d'Abu al-Qaqa. Et comme Abu al-Qaqa est toujours présent, donc Abu Hamam n'aura pas vraiment une influence. Donc, il a continué à me dire, tu peux travailler de façon tranquille. Et ce qui m'a rassuré à l'instant, le fait qu'ils disent que Abu al-Qaqa, c'est un homme excellent. En fait, à l'époque, je ne le connaissais pas très bien, et je pensais vraiment que c'est un homme excellent. Malheureusement, cette solution n'a pas réussi, parce que Abu al-Qaqa, malheureusement, c'est un alphabète. C'est là, je l'ai découvert plus tard, parce que il y avait une situation, une circonstance, qui montre vraiment que c'est un homme hors un alphabète qui connaît absolument rien du tout sur le fait d'être prince, sur le fait de gérer, sur le fait de garder, sur le fait de... Il ne connaît absolument rien du tout sur la gestion ou même les choses de base. Parce que, par exemple, comme je suis le responsable de la santé des soldats, j'avais interdit de prêter ou d'utiliser des outils de l'hijama. Et donc, j'avais nommé quelqu'un qui est responsable de l'hijama et c'est lui qui doit stériliser les outils afin de ne pas être afin que d'assurer que la santé des soldats soit gardée et qu'il n'y aura pas et que le hijama ne soit pas une façon de transmission, une sorte de transmission des maladies entre les soldats. Après la sortie de mosquée, j'étais surpris par la question de Boulkaka. Qu'est-ce que c'est qu'une stérilisation? Voici la question qu'il m'a posée. En fait, j'étais surprise de cette question. J'essaie de répondre, j'essaie de lui expliquer, mais de son visage, j'ai bien compris que c'est du charabia pour lui, c'est de n'importe quoi, ça n'a pas vraiment un véritable valeur. Ce qui veut dire vraiment que M. Aboulkaka, vraiment, c'est l'un d'un autre monde, en fait. C'est quelqu'un qui peut pas être prince, ni gérer, ni absolument rien du tout. Mais plus tard, vous allez comprendre pourquoi Abou Abdelaziz l'a qualifié d'être excellent. Ce qui apparaît très bizarre. Comment il le dit qu'il est excellent, or qu'il n'a pas de niveau, malheureusement. En tout cas, Abu Hamam a joué avec Abu Qaqa en disant qu'il faut vraiment exclure Abu Jandal parce que tout le monde revient à Abu Jandal. À l'époque, je me nommais Abu Jandal. Et donc, on est revenu sur la même situation. Quand on fasse une réunion, par exemple, c'est une réunion de blâme. Abu Jandal, vous travaillez beaucoup. Abu Jandal, il faut faire doucement avec le soldat, par exemple. Et un ensemble de critiques insensées qui montrent vraiment que malheureusement, c'est des jalousies en fait, c'est vrai. J'ai vraiment honte de dire une chose pareille avec Moujahidine, mais c'est la réalité des choses. Allah subhanahu wa ta'ala sait que je suis en train de dire la vérité. Et Abu Qaqa, on travaillait ensemble et on disait à Abu Abdelaziz qu'il faut vraiment transférer Abu Jandal à Darmin parce que Darmin c'est une grande ville qui nécessite vraiment un grand directeur, qui nécessite vraiment une gestion totale et qui c'est à le bas qu'on peut l'utiliser. Or, la province de Nevers, ce n'est qu'une petite ville et donc c'est pas vraiment très important d'être. Ces qualités, on peut s'en jurer beaucoup lorsqu'il soit à Darna. Et comme ça, j'ai eu l'information que je serai transféré à Darna. Et cela vraiment, ça m'a beaucoup plu parce que le fait d'être transféré à Darna, en fait, au moins, sortir du combat avec Abu Hamam et Abu Qaqa. Et je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadabbaru hukmak. Lorsqu'il y a une divergence entre les princes, donc on ne pourra pas réussir à construire quelque chose de durable. Lorsqu'on m'a amené à Darna, je suis venu avec dans la même voiture avec qui j'étais venu. Il y avait Abu Salman qui s'est suicidé plus tard, malheureusement, dans la ville de Darna. On était venu à Fatah et comme je sais que beaucoup de soldats, en fait, comme j'ai appris auparavant, qu'il faut vraiment que tu crées un travail. Sinon, tu vas passer tous les jours dans le Madravé et un jour, tu commences à combattre. J'ai insisté à parler à rencontrer l'émir, le prince de Darna, c'était Hajj Ibrahim. Et ma grande surprise, c'était dès la première jour, lorsque je suis venu, en lui disant que je suis envoyé de Novelie et que j'avais en tant que directeur et en tant que soldat. Mais là-bas, j'étais un directeur et que j'aimerais bien que... En fait, je suis venu pour travailler et je suis l'un de ces soldats. Il m'a dit, rentre au vétérinaire et après, on va voir là où tu vas loger et on va t'appeler. Pour moi, le fait d'être logé, ce n'est pas vraiment ce qui est important et c'est pas à lui de me chercher là où je loge. Parce que c'est normalement, il y a quelqu'un qui doit s'occuper de cela qui n'est pas le prince. Et cela me dit, en fait, cela m'a montré que Hajj Ibrahim, il ne sait pas vraiment diriger lui aussi. Mais bon, il faut que je me suis dit qu'il faut vraiment ne pas recommettre les mêmes erreurs. Il faut toujours tenter d'être souple, d'être obéissant, extrêmement obéissant même, qu'il n'y ait pas de divergence entre moi et le nouveau prince. Parce que la divergence va conduire à la défaite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'avait signalé dans le Coran. Donc, deux jours plus tard, il n'y a pas eu un appel, il n'y a pas eu des appels de la part de Hajj Ibrahim, j'ai décidé de lui revoir. Lorsque je l'ai vu, il m'a dit, allez, on va te mettre en tant que directeur du cours islamique. Parce qu'ils n'ont pas un directeur et on va te mettre là-bas comme en tant que directeur. Je me suis lancé dans ce qu'on appelle le cours islamique et c'était vraiment, les gens décident de Darnay. C'est très bien que c'était très bouleversé, il n'y avait pas vraiment un cours sans souffrir du terme. Et j'avais essayé durant un mois de mettre un peu de l'ordre. En fait, qu'on respecte les horaires d'ouverture, qu'on respecte, qu'il y ait un peu d'ordre. Malheureusement, il faut le dire ça, mais c'est la réalité. Qu'il y ait un peu d'ordre, de respecter l'horaire des travaux, l'horaire de... qu'il y ait une procédure judiciaire très claire, afin que ce soit, que tout un chacun, que la justice soit menée. Et durant ces mois, il y a eu un véritable changement au niveau de la cour islamique dont j'étais le directeur. Et bien sûr, j'avais oublié de dire une chose très importante. J'avais demandé par rapport à un autre groupement armé qui s'appelle Bouslim. Et c'est qu'on m'avait dit que Bouslim, c'était des gens, c'était un groupement qui a commis redda, c'est-à-dire qui sont des gens mécréants. Parce qu'ils sont allés avec le Tarout, Mustafa Abdeljalil, et qui sont vraiment les branches, en fait, une sorte de branche de l'armée. Et que le juge de Sharaï, de Dole, a jugé qu'ils sont des mécréants. Leurs chefs, ils sont repentis en islam, ils sont rejoignés l'islam encore. Et il n'a resté qu'une centaine de délinquants, si vous voulez dire, et qui ne pèsent aucun valeur. Malheureusement, les travaux dans le cours qui était vraiment très beau, m'ont pas permis de bien authentifier et de bien s'assurer de la véracité de ce qui a été dit dans ces témoignages. Et donc, j'ai pensé, en principe, qu'ils sont des mécréants, comme ils l'ont dit, au minimum. Et donc, et ce n'est qu'un centaine de délinquants, et donc, ça va pas changer grand chose. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'éliminer. Et j'étais triste de pourquoi. En fait, il y avait un certain point qui nécessitait vraiment une explication, une investigation, mais malheureusement, je ne l'avais pas faite. Parce que les gens de Bouslim, ils étaient sur Dhahr al-Hamar. C'est-à-dire, ils étaient sur ils avaient un point d'accrochage avec les soldats de Tarout Haftar. Et ils combattaient Tarout Haftar. Et ils aidaient même l'État islamique à gérer la ville par le fait des aides financières, par le fait d'assurer la ville, c'est-à-dire assurer la sécurité de la ville de soldats de Tarout qui sont en train de qui sont un peu partout et plus particulièrement dans Dhahr al-Hamar. C'est un point connu par les gens de Darna. Donc comment ça fait que ce sont des mécréants et qui sont l'allié de Tarout, or ils sont en train de combattre Tarout. C'est vrai qu'ici en Darna, nous avons, ici en Libye, nous avons plusieurs Tarout, et donc ils peuvent être les alliés d'autres contre autres. Et donc, moi malheureusement, j'avais pas eu le temps de bien faire des investigations par rapport à la réalité de ce qu'on m'a dit concernant Bouslim, et sur même l'identité réelle de ce groupement, qui se nomme et qui s'appelle, que je connais plus tard, que ce sont des djihadistes. Avant Ramadan, par quelques jours, juste quelques jours, en fait, avant Ramadan, avant disons, une quinzaine de jours avant Ramadan, Abu Abdelaziz a quitté Nouvelier pour venir ici, à Darna. N'oubliez pas que, lorsque j'ai quitté Darna, Nouvelier, il y avait seulement Nouvelier qui est sur l'autorité de l'État islamique. Et certes, pendant cette période, c'était au mois de mai, ils ont regroupé toutes les villes entre Nouvelia et Sirte, parmi lesquelles Haraba, Mulgendale, d'autres villes. C'est-à-dire qu'il y a 125 km qui séparent entre Sirte et Nouvelia, ce sont maintenant sur le territoire de l'État islamique. Abu Abdelaziz est venu à Darna et il m'a rendu visite chez moi, là où je loge, afin de me saluer, parce que j'avais vraiment de très bonnes relations avec lui en tant que personne. Et pour aussi en fait, me donner, demander mon avis par rapport à ce qui s'est passé. Je l'avais dit que beaucoup de soldats ne sont pas vraiment très obéissants parce que il y avait un problème de samota, le fait d'écouter l'ordre, de l'obéir. Il n'y avait pas assez par rapport à un ouvrier. Ce qui m'a choqué, mais ce qui va me choquer, ce sera ce qui va venir. Et donc, lorsqu'il est venu, la ville commençait à changer vraiment. Il y a eu un nouveau changement. Après 10 jours de, parce qu'ils ont exigé el hijab, el burqa, et il y a eu Rasout le Mloud, et il y a, on sent vraiment que l'État islamique, comme si elle s'est réveillée à Darna, comme si elle dormait, et c'est maintenant qu'elle s'est réveillée pour travailler. Et à l'époque, il y avait les 3 éléments les plus importants de l'État islamique à Darna, c'est-à-dire Abu Abdelaziz, Abu Mu'al et Abu Amr. Et quelques jours juste avant le Ramadan, par une semaine, un grand membre de Majlis Shura Mujahid de Darna a été assassiné. C'est Nasr al-Akr. Et c'est la guerre qui s'entame entre Majlis Shura Mujahid de Darna, dont Bouslim est le principal constituant, et l'État. J'étais très très heureux de cette guerre parce que si Bouslim était Mouftadine, était démocrate, il fallait vraiment, il faut pas qu'on le partage avec la ville, et c'était une justice. Soit il repentit, soit il doit tuer, parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Mubadaladinahu Vartulu. Et c'est injustice de tuer les mécréants de l'armée de Tarout et laisser les mécréants de musulmans qui partagent avec nous la vie. Et donc, de ce fait, j'étais très heureux. J'ai pris mes armes et vu que le cours islamique est très important, et c'est l'un des symboles de pouvoir, c'est l'un des grands symboles, j'étais le responsable de les garder avec plusieurs autres soldats. Et les bâtiments du cours, c'était très long, et donc c'était un très bon bâtiment pour assurer qu'on pouvait bel et bien les garder. La guerre a commencé mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Les choses montrent que l'État islamique est en train de s'affaiblir au niveau de Darna. N'avance pas en réalité. Et donc, petit à petit, je commence à savoir que ce qu'on m'a dit concernant Bouslim, c'était pas tout à fait exact. Ce ne sont pas vraiment un centaine de délinquants et de criminels. Non. Il y avait vraiment une révolution presque populaire. Parce que après la prière de vendredi, il y a eu des manifestations partout dans Darna contre l'État islamique et qui glorifie Mahdi Bouslim. Samedi, à 14h, Majlis Shura Mujahid de Darna commence à attaquer le cours où je suis avec 9 autres soldats. Et on a pris nos places et on a commencé à défendre notre cours. Entre 14h et 20h, il y a une guerre. Malheureusement, en fait, ou bien heureusement, seulement moi et un autre qui s'appelle Jaber le Jordanien qui ont combattu. Les 8 autres n'ont combattu parce que 2 parmi eux n'avaient pas des armes et d'autres n'ont pas combattu. Je ne sais pas pourquoi vraiment, mais ils avaient des armes, mais les combats c'était trop difficile parce que l'ennemi à l'instant a attaqué vraiment le cours de plusieurs côtés et par plusieurs armes. Ils nous tiraient des tirs de biques, des RPG, des bombes. Ils n'ont pas manqué de. En fait, ils ont attaqué l'armée par le cours par beaucoup d'armes, mais vu que, subhanallah, personne parmi nous a été blessé et moi et Jaber, nous avons pu jusqu'à 18h à le repousser. Et après 18h, nous avons essayé de garder le portail du cours pour qu'il ne rentre pas de portail de cours. Le portail a été ouvert par plusieurs bombes de RPG, plusieurs tirs de RPG, et ça a été ouvert. Et chaque fois quand il essaye d'entrer, on le repousse par nos clashs. Après 20h, il y a un monsieur qui commence à parler, du bar, en train de nous dire, nos frères, vous êtes des frères, on vous considère en tant que frère musulman, et donc nous n'avons pas sorti contre l'État islamique parce qu'on est contre la législation islamique, mais plutôt parce que l'État islamique n'incarnait pas la législation islamique réellement, et parce qu'elle est injuste. Et vous êtes des frères, vous allez être jugés par le Coran et Sunna. Et donc, faut que vous capitulez, faut qu'on donnez-nous vos armes, et vous allez être très bien traités. Et moi, je connaissais pas la personne, c'était la première contact avec quelqu'un de musulman. Avant cette parole, enfin, avant cet instant, je n'avais pas rencontré quelqu'un de musulman à l'époque. Il y avait des personnes avec moi, Tarq Chouxi et Ekram Jridi. Tarq, c'est un juge de cour, et Ekram, c'est le responsable de Diwan al-Awqaf. Le Diwan al-Awqaf, c'est le ministère des affaires religieuses, si vous voulez. Ils ont commencé à parler avec lui, mais la parole de monsieur, c'était une parole qui montre vraiment que c'était un mujahid, c'était pas un délinquant comme ce que j'ai pensé. Et après une heure de discussion avec lui qui restait au même niveau, il n'était pas cohérent. En fait, il n'était pas, la parole de mes amis, ils n'étaient pas vraiment cohérent réellement. Et lui, il tentait et il veut vraiment à tout prix que nous donnons nos armes et qu'on capitule et qu'on nous capture en paix et que la guerre termine. Et en fait, après une heure, j'ai rentré dans le discours et mon accent, il a dit que je suis un mohajir, que je ne fais pas partie des Libyens. Et donc, il s'est concentré sur moi pour parler avec moi. Et on a évoqué lui, il était au rez-de-chaussée et on était au premier étage. Et chacun parmi nous a donné la séance et la sécurité de l'autre. Personne ne va violer l'autre. En fait, personne ne va tuer l'autre. Par guerre, on pouvait le tuer et comme il pouvait aussi le tuer. On a évoqué le fait de garder Mustafa Abdeljalil et c'est là et le fait d'être dans ce qu'on appelle le général Emir, le fait de suivre l'État et le ministère d'Intérieur. Et il m'a montré qu'ils sont repentis de cet État, du ministère d'Intérieur, aussitôt, et que le gardiennage de Mustafa Abdeljalil, malgré que Mustafa Abdeljalil c'est un tarout, n'était pas pour le garder pour sa religion, non, ni pour lui-même, mais plutôt pour les biens des musulmans. Et que Mohammed, il m'a donné un preuve très clair, il a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a gardé les Rasul Musaylima, les messagers des Musaylimat al-Kadhab. Musaylimat, ce sont des messagers qui étaient musulmans, mais qui sont redevenus mécréants, et qui sont venus voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire de faut croire à Musaylimat. Faut croire à Musaylimat. C'est-à-dire, ils ont demandé à Mohammed d'être mécréant. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a répondu, Lola anna rasul. C'est parce qu'on ne tue pas les messagers, sinon j'allais vous tuer. Et donc, c'était un preuve très clair. Il a dit, ça c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il les a gardés autour de la Médine, jusqu'à ce qu'ils sont sortis de la Médine, pour une raison générale, une raison connue partout, qu'on ne tue pas les messagers. Et nous avons gardé Mustafa Abdeljalil pour le bien de cette ville, et pour le bien de la révolution de la peuple libyen contre Tarik Mohamed al-Qaddafi. Et donc, on avait plus beaucoup de raisons. Et si vous entrez dans Sirah Nabawiyyah, dans le hadith, vous allez voir plusieurs cas de garder le mécréant par les musulmans et pour plusieurs raisons qui ne sont pas sa religion. Et donc, nous n'avons pas sorti de l'islam par cet effet. C'est plutôt, on était obligé de lui garder pour les biens de ces musulmans, le bien de cette ville, des musulmans de cette ville. Et donc, il va falloir qu'on n'était pas mécréant. Et les gens qui disent qu'on est mécréant pour cela, c'est eux qui ne connaissent pas l'islam. Ce qu'il a dit, c'était très clair et c'était vraiment fondé. Et moi, je suis quelqu'un qui suit les preuves. Et donc, je suis à cet instant que Bousselim n'étaient pas mécréants, ils n'étaient pas délinquants comme ce qu'on m'a dit, et qui sont des gens c'est vrai qu'ils sont en train de combattre l'État islamique, qu'ils sont des ennemis, mais les ennemis, il y a différents ennemis. On peut avoir des ennemis dans l'islam, mais qui ne sont pas des mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés, il a dit dans si des groupements de croyants se battent, en fait ce sont des groupes des croyants qui se battent. C'est-à-dire qu'on peut avoir une guerre entre les musulmans dans certains cas. Et donc, ce sont des musulmans, ils ne sont pas mécréants. Dès cet instant, j'ai décidé à essayer à lui aider à ce que tous les autres rejoignent et c'est de donner leurs armes et qu'on soit de prisonniers au niveau de chez Mejlis afin de ne pas de garder en fait nos âmes parce que le fait qu'on se tue pour rien ça n'a aucun valeur et ça n'a aucun sens bien sûr que et ça n'a aucune valeur ni pour la religion ni pour notre message et surtout après que je sais que ce sont des gens qui ne sont pas mécréants. Ce monsieur là, le soldat, il nous a dit que vous allez être bien traité et on va bien vous garder et vous allez être vous allez être bien traité dans notre prison avec et on vous garde en tant que frère musulman et même les mécréants on doit les bien traiter parce que dans l'islam on doit traiter les prisonniers et quoi qu'en soit. Après ces discussions a continué entre 20h et 2h du matin à 3h du matin et à la fin nous avons devenu de prisonniers, on s'est donné en tant que prisonniers chez le Mejlis, et lorsqu'on est venu, on nous a séparés en deux. Les muhajirines, les migrants sont seuls, moi et Jabir Jordani et Bouaïche, le Soudanais. Et les autres, ansaristes, sont à part. Dès le premier jour, il y avait tout ce qu'on demande, prêt. Vous voulez de manger, vous voulez des habits, vous avez des familles que vous voulez qu'on s'en occupe. C'est-à-dire qu'ils ont, ils nous ont très bien recueillis, de telle sorte que l'un parmi nous a dit qu'on est recueillis plus qu'on est traité mieux que lorsqu'on était traité avec l'État islamique. Et je leur dis que voilà, nous sommes, que cette prison ne diffère pas trop de El Madav, où j'étais à Sirte lorsque je rejoignis le groupe de l'État islamique. Et il est bien évidemment que, après quelques jours de la prison, j'ai rencontré plusieurs soldats de l'État islamique et c'est que de nouvelles réalités qui ont montré, j'ai découvert de nouvelles réalités concernant l'État islamique et ce sont les soldats de l'État islamique qui m'ont informé. J'étais surpris par le fait que l'État islamique se donnait le droit de voler, malheureusement, 4 200 000 dinars libyens de la banque Al-Wahda, l'unité. Ces 4 200 000 dinars libyens, ce sont les salaires des musulmans. Et ce sont envoyés par le gouvernement de Tripoli. C'est là, c'est extrêmement grave parce que le fait que vous soyez, que cet État soit sur votre autorité et qu'au lieu de donner les salaires aux différents musulmans travaillant ou différents travaillants sur votre territoire et le fait de garder les biens et le fait de s'assurer qu'ils sont dans bonne situation et comme ce qu'on a lu sur l'État islamique et ce qu'il doit faire l'État islamique à l'époque de Mohammed et ce qu'il faisait d'ailleurs à l'époque de Hassan, Abu Bakr et Omar, et Othman et Ali, radiallahu anhum, je me suis retrouvé avec un État islamique qui vole sa population, qui vole les citoyens, et qui les vole de façon vraiment très honteuse. Que le fait de prendre 4 millions de 100 dinars, de 5 000 dinars du banque, ce sont les salaires des musulmans. C'est-à-dire, enfin, c'est le gouvernement de Tarout à Tripoli qui aide votre citoyen, et c'est vous-même qui volez votre citoyen. Cette triste circonstance a été confirmée par plusieurs personnes de l'État islamique, parmi lesquelles l'un des juges, parce que Tarouk Cheikh avait fait une enquête par rapport à cette folle, et c'est plus tard qu'il a su que c'est l'État, et lui, il s'est protesté auprès de Wali Ibrahim. Et enfin, Wali Ibrahim a dit, voilà, cet argent n'est pas encore arrivé aux mains des musulmans. Ce qui est très, très, très grave. Cette situation, cette folle a eu des conséquences très graves parce que beaucoup de, après cela, l'État Tripoli n'envoie plus l'argent à Darna, mais plutôt l'envoie dans les villes voisines. Et beaucoup de gens aillent dans les villes voisines, pour prendre leur argent, et pour sortir de Darna, c'est pas trop facile parce que les villes voisines sont vraiment des ennemis des gens de Darna. Et beaucoup de gens, malheureusement, certains ont eu des accidents mortels en partant pour prendre leur salaire. Cette grave situation, grave circonstance, a montré vraiment que deuxième chose très grave. La première chose, c'est le fait de penser ou de juger des moujahidines comme des mécréens, or qu'ils ne sont pas des mécréens. Le deuxième point, c'est le fait de considérer, de voler les biens des musulmans et de façon très, très, très, vraiment très honteuse. Abu Aisha a dit que si vous voulez, si vous pensez que vous avez le droit de cet argent, il fallait prendre un peu, il fallait le prendre en pleine journée, il ne faut pas le faire en cachette parce que voler, c'est le fait de voler. On le définit par l'islam, c'est prendre un bien de son sac ou de là où on garde de façon cachette. Malheureusement, le fait qu'ils ont pris l'argent de la banque de façon cachette, c'est un cas de vol réel. Dans l'islam, c'est comme ça qu'on le considère. Un autre problème que j'ai découvert plus tard, et qui est extrêmement grave, que l'État islamique à Darna avait envoyé des stichadis, en fait, des stichadis réellement, théoriquement, à la ville d'El Gouba pour détruire des casernes des Mourtadim, des Mécréens. Le premier stichadi a réussi, le deuxième a tiré une cinquantaine de musulmans d'El Gouba. Et ce sont des gens, des musulmans, que l'État islamique accepte que sont vraiment des musulmans et les considère en tant que des musulmans. Nous sommes devant une situation de très grave, une circonstance très grave. L'État islamique tient 50 des musulmans et il accepte que ce sont des musulmans, mais il ne se prononce pas par rapport à cette situation. Elle ne dit rien par rapport à cette circonstance. C'est tout à fait au contraire. Il dit que si chaque semaine on a une telle opération comme l'opération de Gouba, nous serons très heureux. Ce qui a été rapporté par Brahim à Jabr, selon ce qu'il m'a dit Jabr, et que Abu Abdelaziz a dit à Abraham, si nous avons chaque semaine une opération comme celle de l'Gouba, nous serons très heureux. Cela est vraiment très, très grave. Parce que dans l'islam, le fait de tuer un musulman en ayant l'intention, c'est un grand péché. On va dire que le mu'min est muta'ammid en vejaza'ahu jahannam. خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما nous avons comme punition l'enfer, l'éternité dans l'enfer, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'énoignement de sa miséricorde et l'ana. Nasallallahu alayhi wa sallam wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de cela. Si elle avait dit, si on dit que l'État islamique a tué ses musulmans sans l'intention, voilà, donc il va falloir qu'elle donne ce qu'on appelle dire, et il y a des choses. Comme Allah nous a rapporté dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, sourate 4. Donc, nous avons des gens l'État islamique, au lieu de s'excuser auprès de ces 50, elle ne sait pas s'excuser. Elle n'a absolument rien dit par rapport à cela. Et donc, à plus forte raison, elle n'a pas donné aucun sou, elle n'a pas, même pas parlé de dire ni absolument rien de tout cela. Donc, je me suis trouvé avec contre un groupement qui juge le Moujahidine par des mécréants, qui se permet de voler les biens des musulmans et qui tue les musulmans sans problème. Un tel groupement, on ne peut pas dire qu'il est l'État islamique. On ne peut pas dire qu'il n'est qu'un État de criminels, en réalité. Et on ne peut pas dire qu'il n'est qu'un État d'Al-Khawarij, de sortant de l'islam. C'est eux qui tuent les gens des musulmans, c'est eux qui pensent que les biens des musulmans sont permis. C'est vraiment une chose très, très grave, ce que je vis. Mais malgré tout cela, et le fait que moi, je suis quelqu'un de très fidèle de l'État islamique, j'ai pensé, j'ai cru qu'on peut, en tout cas, que l'État islamique dans l'armée doit être une exception. Et qu'il faut vraiment qu'on rectifie ces erreurs, qu'on les connaît et qu'on puisse, et qu'il faut vraiment que nous puissions, qu'on rejoigne l'État islamique dont on sait dans le Coran et dans le hadith de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les discussions avec les Mujahidin del Majlis, avec mes frères, les juges, que Abu Aïcha plus particulièrement, m'a montré une autre chose très grave, c'est que la façon dont on a lié Abu Bakr al-Baghdadi, on sait tous qu'il n'y a pas Shura dedans, il n'y a pas le fait de consulter les musulmans, de demander l'avis des musulmans. Et donc, j'avais toujours pensé que cela, c'est pas grave, parce que, et que le fait de l'absence d'un khalif est plus grave qu'avoir un khalif élu de façon élu sans shura. Mais un verset dans le Coran m'a montré très clairement que parmi les qualifications de ces communautés musulmanes, de ce monde musulman, le fait que le pouvoir ne se donne que par les consultations. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Shura, وَأَمْرُهُمْ شُرَى بَيْنَهُمْ, c'est-à-dire leur pouvoir, leur autorité, c'est un consultant l'un et des autres. Cette verset est très clair, et la compréhension d'Omar ibn Khattab de ces versets et d'autres versets, c'est très clair, qui est rapporté par Al-Bukhari dans un hadith authentique. مَنْ بَيْعَ رَجُلًا مِنْ دُمِ شَرَطِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُتَبَعْ هُوَ الَّذِي وَلَا يُبَعْ تَغَرَّةَ نُقْتَلَةَ, c'est-à-dire celui qui nomme un khalifa sans la consultation d'autres musulmans, il ne faut pas qu'il le suive, même s'il faut le tuer, parce que c'est violer le droit de l'État islamique dans cette... C'est une sorte de violation de droit de l'État islamique. Donc, après ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala sait que je plairai très gravement, parce que le projet pour lequel j'ai quitté mon pays, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté mes enfants, ce n'est pas incohérent avec le Coran. Et moi, je sais qu'on ne peut pas construire un État islamique qui ne se fonde pas sur le Coran et sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est vraiment, ça m'a vraiment fait très très mal au fond de moi. Et à l'instant, en fait, je le disais très clairement que je n'ose pas fermer les yeux devant le Coran. Je n'ose pas suivre ma passion et laisser le Coran. Voilà, ça, je n'ose pas. Malheureusement, on voulait vraiment construire un État islamique, mais la condition dans la construction de l'État islamique, que cet État soit dirigé par l'islam, du fondement jusqu'aux dernières tâches. Et voilà, ça c'est un grosso modo mon témoignage concernant l'État islamique. Quand on analyse ce témoignage et quand on analyse ces circonstances venues dans ce témoignage, on va arriver à un ensemble de résultats, de conclusions très graves. La première conclusion, c'est que l'État islamique est fondé sur l'ignorance, malheureusement. Voilà, fondé sur l'ignorance. Al-Adnani nous dit, dans le dernier mot, qui se nomme ce tour de monde, on va vous vaincre, dans la troisième minute, que, en fait, en glorifiant des soldats de l'État islamique, par le fait qu'ils ont qu'ils s'en foutent, que ces soldats s'en foutent des savants, des savants, et donc ils s'en foutent de leurs paroles, et donc si comme vous le savez, beaucoup de en fait la plupart, la quasi-totalité des soldats de l'État islamique, ce sont des ignorants, je le dis, c'est pas pour leur manquer de respect, mais c'est la réalité, qu'on le sait tous. Donc si un État fondé sur l'ignorance, les soldats sont des ignorants, et ils n'ont aucune relation avec les savants, parce que tous les savants savent que le fondement de cet État est faux, et donc ils sont contre cet État, et donc par la suite il y a une rupture entre les soldats et les savants islamiques, et donc nous avons un État qui se ne dirige pas par le Coran ni Sunna, parce qu'il n'y a que l'ignorance, ça d'une part. D'autre part, nous avons un État qui minimise sa population, et c'est là, et qui terrorise même sa population, et c'est dans ces contextes qu'on pourra comprendre pourquoi elle se permet de voler l'argent, pourquoi elle se permet de tuer sans même s'excuser, pourquoi il faut toujours les terroriser pour ne pas sortir en Saharat, et donc ça, ce n'est pas l'État islamique, parce que dans l'État islamique, il faut respecter la population. Il faut vraiment respecter la population, parce que le chef de l'État islamique, ce n'est qu'un serviteur, ça doit servir l'État, la population, le plus pauvre, tout le monde. Et c'est ça ce qu'on a dit. Ce n'est pas le fait de terrorifier ni de minimiser, la population. Malheureusement, l'État islamique, nous avons un État qui est fondé sur l'ignorance, sur la rupture avec les savants, qui minimise la population, et c'est cela qui explique le fait de se permettre de les voler, de les tirer sans problème. Et nous avons ce qui est aussi très important à dire, que le mot de Abdelaziz Mbaye concernant Abou Qaqa, qui est excellent, on ne peut pas le comprendre que dans ce contexte qu'on veut des princes ignorants qui sont vraiment des utiles pour exécuter l'ordre. Quand on leur demande de tuer les musulmans, ils vont le faire. Quand on leur demande de voler leur argent pour financer leur guerre, ils vont le faire. Qu'ils vont pas protester. Parce que quand on a un savant, quand on a un prince intellectuel qui a le minimum de savoir, n'osait pas tuer les musulmans, n'osait pas voler l'argent des musulmans, et elle allait certainement protester. Donc la réalité de cet État islamique, c'est un État fondé sur l'ignorance, qu'il faut cette ignorance, parce que sans l'ignorance, on ne peut pas croire que c'est un État. Parce que l'islam est très clair sur le fait de fonder l'État par Shura, et qui minimise sa population, et donc nous avons un État qui va finir par détruire, parce qu'on ne peut pas terroriser la population, penser que la population va supporter de façon continue. Et nous avons un État aussi qui n'applique pas Sharia, malheureusement, parce que si on applique Sharia, on n'allait pas, on doit respecter les savants, ça c'est très clair, on doit respecter le fondement réel de l'État islamique, on doit respecter la population, et donc ce sont les circonstances qui ont venu dans mes témoignages sur mon histoire avec l'État montrent vraiment que l'État islamique applique des sharia ce qui l'arrange, mais pas plus. Et si les biens de l'État islamique se contredisent avec Sharia, voilà, ils s'en foutent de Sharia. Et c'est pourquoi ils se permettent de voler l'argent des musulmans et de tuer les musulmans et de penser qu'un groupement de djihadistes, ce sont des mécréants parce que seulement on veut que l'État islamique dans le territoire de Darna. Donc, nous avons un État fondé sur l'ignorance, qui minimise et terrorise sa population, qui n'applique pas Sharia sur elle-même qu'en tant qu'État. Elle peut l'appliquer sur les soldats, mais pas sur elle-même en tant qu'État. Nous avons enfin un État de médias. Un État de médias. La réalité, la seule branche qui a vraiment réussi de façon terrible, c'est le média de l'État islamique. Et le fait qu'il a réussi, c'est pas parce qu'ils sont très forts, mais c'est plutôt parce que le fait d'avoir un État islamique, c'est le rêve de tous les musulmans. Et donc tous les musulmans sont devenus des soldats des médias de l'État islamique. Or, l'État islamique, les médias de l'État islamique, quand on analyse lui-même, il contient beaucoup de en fait, il suffit d'analyser la parole de l'Adnani, par exemple, pour savoir que c'est un état de n'importe quoi. Que c'est un état qui est très loin de l'islam, parce que, il est contre les savants, il est contre les, et il s'en fout de la population, comme il l'a dit, Al-Adnani même dans le dernier mot, c'est tout le monde. Il a dit, c'est-à-dire, quand on traduit le mot Hawadin, c'est-à-dire, Hawadin, c'est la population, c'est le monde du musulman. Le mot Rosa veut dire de sortir, veut dire n'importe quoi, veut dire charabia. Voilà la vision, malheureusement, de l'État islamique envers envers sa population. Voilà le fondement de l'État islamique, c'est l'ignorance, malheureusement. Et il n'y a pas l'application de Sharia, parce que si on applique Sharia, on allait l'appliquer sur l'État même, en tant qu'État, avant de l'appliquer sur les soldats. Et nous avons un média qui transforme la réalité. Ce témoignage, je ne le dis pas pour vous le dire, mais c'est plutôt pour que toi, mon frère, en tant que soldat de l'État islamique, en tant que moi, en tant qu'un ancien soldat de l'État islamique, sauve-toi. Il faut vraiment que tu réponds à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais, est-ce que tu réponds à Allah ou bien à ta passion? Est-ce que c'est l'amour de l'État islamique qui te guide ou bien l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, il faut vraiment que tu sois clair, parce que, comme tu le sais, la vie est très très courte, et donc il faut vraiment que tu décides à qui tu reviens. Est-ce que tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala et son messager et le Coran et le Sunna, ou bien tu restes dans un état fondé sur l'ignorance, c'est très clair, minimise et terrorise sa population, n'applique pas Sharia Asir elle-même. Voilà en grosso modo ce que je voulais dire par rapport à l'État islamique, et je veux vraiment que toi, mon frère, le migrant, ou bien les partisans de l'État islamique, que tu t'arrêtes un peu et tu les gardes. Et je suis prêt à discuter sur mon compte de Twitter, ou bien de Telegram, ou bien sur Facebook, Abou Omar Chankhiri. Je suis très prêt à discuter chaque mot dit dans ce témoignage. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait que je n'avais dit que la vérité dans ce témoignage. Parce que j'avais vraiment mon frère, ou toi, que le Mujahid qui a sorti de son pays, qui a laissé ses enfants, qui a laissé sa patrie, de repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et n'est pas être un outil de tuer les musulmans, ou bien de voler les biens des musulmans, ou bien de violer l'honneur des musulmans, parce que le fait de traiter un musulman en tant que mécréant, c'est une chose extrêmement grave. Enfin, que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide la vérité et nous guide son droit chemin, et que nous repentissons tous à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je suis sûr et certain que les jours à venir vont porter un véritable lobe de l'islam, où un état réel de l'islam fondé sur le Coran et Sunnah va gouverner tout le monde, inshallah subhanahu wa ta'ala, et le jihad continue indépendamment de tout groupement. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين القتال. Tout un chacun parmi nous, il doit faire le jihad et il doit continuer de son pouvoir. Et seulement Allah subhanahu wa ta'ala qu'on demande son agrément. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qu'on demande la récompense de nos œuvres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me fait et vous fait parmi ceux qui entendent la parole et qui suivent la meilleure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.